Yeah! La purge! World Entertainment Corporation. Les préfets, les commissaires, toute l'Afrique aille aux ordres. Des ADS aux officiers, surtout les CRS qui font usage de gazeuses à la manif pour tous. Mais étrangement reste de marbre quand c'est les antifas qui cassent tout. Ces fils de pute qui viennent péter ta porte à 6h du mat parce que t'es d'extrême droite et que tu t'en caches pas. Les branle-couilles d'ADGS y qu'on peut arrêter Logan, mais pas Ahmed Anachi. Attends, le syndicat Alliance, j'ai la trique chaque fois qu'un flic décède. Rigor mortis, j'pense à Rosaram. Je sais qu'en France on a les mêmes, nique la police. Qu'ils continuent d'encadrer les prières de rue des boucaques, mais qu'ils comptent plus sur le soutien des gens de droite, les juges, les syndicats de la magistrature, les procureurs, les ténors du barreau qui font acquitter toutes sortes de raclures, tous les délinquants sexuels, les multirécidivistes, les importateurs de coke, les fumeurs de shit, le lobby des circoncis qu'il faut pas nommer, ainsi que toute la clique qui se passe au dîner du CRIF chaque année, ceux qui rêvent Baphomet dans leur loge maçonnique et qui rêveraient de perpétuer l'œuvre d'Alistair Crowley. Les parasites apatrides comme Attali, machiavélique, mange merde pour qui les pays sont des hôtels, les huissiers, les banques d'affaires, tous leurs employés, les traders, avant d'être une victime. Carviel est une crapule, les PDG surpayés, des grands groupes capitalistes qui crachent leur société, s'en sortent indemne, non pas à chute dorée, mais génèrent du chômage à la chaîne. Les salopes du MEDEF, je voudrais voir Laurence Parisot et Pierre Gattaz brûler vif. Les partis politiques, du FN au PC, en passant par les insoumis et cette fiotte de Philippot, les fonctionnaires planqués, les branleurs de la SNCF et la RATP, tous les syndicats, surtout la CGT, les énarques, les Sciences Paul, potes de demain, les hauts fonctionnaires, tous les ministères ainsi que les pistonnés, ceux qui dilapident l'argent public de leur demain. La dette publique, c'est à coup pistolet, qu'on va la rafistoler. Les philosophes, les féministes, les droits de l'homme, c'est leur tas de conneries. Qu'on les parachute en Afrique et qu'on les atomise. Même tarif pour les cosmopolites, les citoyens du monde, ceux dont credo est, vous n'aurez pas ma haine. Les apostats du Christ, les militants du pire, les apologistes de Tariq Ramadan, les adeptes de l'attaqua, tous ceux dont l'Evansrom est à Dakar. Les putains nègres et leurs singes, les traîtres à la race, les halogènes importés en masse, les promoteurs de décadence, ceux qui niquent la France et qu'on appelle chance pour la nation, alors qu'ils la détestent et que pour la faire payer. Ils ont rien trouvé d'autre que les allocations, les parasites et cafards, assistés de la CAF qui savent pas élever leurs gosses et gueulent dans les transports, les élus de tous bords, des conseillers municipaux aux sénateurs, des magots comme c'est pas permis avec un train de vide ministre, le monde de la culture, tous ces suceurs de subventions, la presse gauchiste de merde qui vit sous perfusion, le service public, la radio comme la télé, les saloupins comme Cohen, les sales pédales comme Ruquier, les disciples de Staline seront purgés selon les techniques de leur maître, procès de Moscou pour les trotskistes à la heavy penal, grande rafle à la fête de l'Huma, pareil à la Gay Pride, enrôle-toi dans la Gestapo si tu veux te taper des barres. Pour les plus chanceux, ce sera escadron de la mort d'extrême droite. Les autres finiront leur vie à crever de faim dans un goulag. Puis quand la France aura enfin été nettoyée de fond en comble, viendra le temps des réjouissances, épuration, j'écris ton nom.